works a deep one for the end zone. Phelan is down there. Oh, he got it! He got it! He got it! It's down! It's down! He did it! He did it! Cloney did it! That's like, here's a shot! Henderson made a wild snap, work spell. Here's another shot, right by the shore! C'est long, et c'est gardé. Julian Fairley file jusqu'à la zone des buts. Touché pour le Rougeur. The ball is still loose as they get it to Rogers. All the Bailey is out on the field. He's going to go into the end zone. He's going into the end zone. Have won. Et bon matin tout le monde, bon matin Trois-Rivières et bienvenue à l'inconduite de partie. Je suis votre hôte Nicolas Ducharme, à ma gauche, tout de suite à côté, M. Pierre-Luc Giroux. Yes! Ça va bien, oh boy, le petit yes ce matin. Ça va bien toi? Le groupe yes, non? Oh, ouais, le groupe yes. Oui, ça va bien, écoute, belle petite matinée, il fait beau, hein? Belle ben petite oui. Température, on a eu un petit peu de neige. Il commence à faire beau pas mal, là. Fait beau, mais tu sais, encore là, vraiment avec la petite neige comme ça, les pentes de ski sont super belles présentement, là. Malheureusement, ça avait été un petit peu ruiné, là, 2-3 semaines, là, question de scraper nos beaux sous-bois, mais... On a eu un petit peu plus, donc, contre ton doux chasseur, puis ceux qui chialent contre la température, ben, tant pis pour vous autres. moi, je m'en fous, je suis un skieur, fait que... on vous le rappelle tout le temps, là, si vous voulez nous contacter, là, live à commercial, inconduitedepartie.com, donc, envoyez-nous des emails, commentaires, insultes, pub pour des médicaments, des cartes de crédit, etc. Et oui, bien sûr, avec le site internet www.inconduitedepartie.com. Cette semaine à l'émission, on parle du début de série de la SIC, les sports interuniversitaires canadiens, qui ont débuté la semaine passée, dans le fond. Mais les Patriotes, eux, commencent ce soir contre McGill, ici même à Trois-Rivières. Contre Carleton. Contre Carleton, merci Pierre-Luc. On va avoir l'entrevue Serge Lemings, qui est vraiment comme the man, de l'homme, au niveau sport universitaire au Québec en tout cas. Et l'entraîneur Jacques Laporte qui va nous ouvrir ses commentaires pré-match. Mais en première partie d'émission, la chronique Julien Majeur de Pierre-Luc Giroux. Toujours au rendez-vous et toujours d'une qualité incroyable. Mais tout d'abord, aux actualités. je te mets de la pression, hein? Regarde. Qu'est-ce que t'as pas eu le temps de préparer tes affaires? Mais tout d'abord, aux actualités de la semaine. J'adore cette chanson-là. Donc, aux actualités cette semaine, chez les Patriotes, Jennifer Carroll est la Patriote de la semaine. Elle est en compétition en Colombie-Britannique pour les championnats canadiens. La vétérane de 5 saisons a terminé sa carrière universitaire en remportant 2 médailles lors du championnat universitaire canadien. Donc, elle a survolé le bassin de UBC pour rééditer son record universitaire canadien aux 50 mètres papillon avec un temps de 26,87 secondes et remporter la médaille d'or de cette épreuve. Au 50 mètres d'eau, malgré un bris d'équipement. C'est quoi un bris d'équipement en natation? Ça doit être le costume de bain ou le casque. Le casque, peut-être. Je ne sais pas, là, mais en tout cas, je pose pas de questions. Puis, bris d'équipement. On va rester de même, mais on peut pas dire que c'est un patin qui a un lancer de patin qui a lâché. Donc, en tout cas, je peux juste voir le costume. On espère que ça s'est bien fini pour elle. Elle a terminé au 3e rang pour obtenir une médaille de bronze. Donc, ça, c'était, comme je disais, au 50 mètres d'eau. Avec sa première position, 50 mètres papillon, Jennifer a obtenu son laissez-passer pour les Universiades qui auront lieu à Belgrade, en Serbie, du 1er au 12 juillet prochain. Félicitations, Jennifer, qui est étudiante au baccalauréat en administration. Tu représentes très, très bien l'Université c'est du Québec. Tout un athlète. Toute une athlète, tout vraiment. Une athlète. Je ne veux pas m'avancer, je ne suis pas ici plus longtemps, mais probablement une des meilleures athlètes que l'Université a eu ici. Oui, a connu, vraiment. Soccer masculin, les Sherbrooke se pointaient ici même à Trois-Rivières en fin de semaine. Victoire des Pats, 4-0. Grosse victoire contre Sherbrooke. Début pour Justin Tapsoba, a été nommé joueur du match avec un but. Philippe Solorin, Benjamin Petitjean et Bashe, oh boy, je vais avoir d'excuser. Mohamedou Bashe Diop, donc j'espère juste que je ne l'ai pas trop massacré, désolé si je l'ai fait, qui sont les buteurs. Donc, pour les hommes, au classement, ils sont quatrièmes au classement général. C'est quand même très, très bon. Très, très bon. Oh, donc, ouais, ça regarde bien pour les séries. Ils sont à... Attendez, je ne veux pas me tromper. Ils sont à 2 points de Laval. Et si je me trompe pas, si j'ai bien vu là, à l'horaire, ils affrontent Laval la semaine prochaine. Si on se classe troisième avec une victoire contre Laval, on va affronter la sixième équipe en première ronde. Les deux premières équipes ont un bye, une passe droite. Donc, non, très bonne saison à date pour les Patriotes masculins, vraiment. Ça augure bien pour les séries. Ben, on dirait qu'il y a un ménage de... Pas un ménage, mais un reality check, qu'on dit normalement, là, dans l'équipe, pour vraiment tout pousser dans la même direction. Ça paraît, ça regarde très bien, ouais. Ça regarde bien aussi pour l'an prochain. Chez les filles, bon, ben, défaite un petit peu plus difficile. 6-2 contre Sherbrooke aussi. Écoute, ils affrontaient une des meilleures joueuses du circuit en José Bélanger. 3 buts, une passe dans cette partie. Et Marie-Michel Bibo, 2 buts, une passe pour eux. Pour Trois-Rivières, par contre, Marie-Michel Lapointe, donc c'était une partie de Marie-Michel. 2 buts, wow, c'était pas chaud. 2 buts pour Marie-Michel Lapointe, donc félicitations. Et écoute, on va en parler un petit peu ben vite, là, mais ce soir, l'Impact de Montréal va affronter le Santos Laguna au Stade Olympique dans ce qui risque d'être probablement, on le dit comme ça, là, le match le plus important de l'histoire du soccer. On attend combien de personnes? Écoute, aux dernières nouvelles, on attend 50 000 personnes. 50 000 personnes pour avoir l'Impact. 50 000 personnes pour un club qui joue dans une ligue vraiment là, de deuxième, troisième, voire septième ordre. Les USA, là, quand il y a des places, il y a 600 personnes dans les estrades. Là. Donc, c'est sûr que Montréal est une ville d'événements. Ça, on s'en cache pas, c'est pas nouveau. Quand il y a la Formule 1, les expos, t'aurais eu 3 matchs des expos par année, le stade aurait été plein, mais à 80 matchs par année, ça marchait pas. Mais attends un petit peu, Nicolas. Vas-y. On attend 50 000 personnes, ouais. Mais est-ce que tu vas avoir? Ah, il y a 45 000 billets vendus. Ah, déjà 45 000, est-ce que les 45 000 vont y aller? Ben, j'espère, là. On le souhaite. Quand t'achètes un billet, normalement, tu y vas, là. C'est louche. Ben non. Des billets de compagnie. Ouais. Tout ça. Tu sais comment ça marche, Nicolas? Non, mais il y a vraiment un bel engouement pour ça. Comme je dis, c'est un événement. Là. Je m'attendrais pas à ce que l'équipe attire autant de gens à longueur d'année. Mais non, j'ai bien hâte de voir ça ce soir. C'est sur les ondes de la SRC, Radio-Canada et CBC, si vous parlez anglais, là, les 6 personnes qui parlent anglais à Trois-Rivières. en différé, donc à minuit ce soir. Par contre, je crois que c'est sur Internet, faudrait que je vérifie. Mais je crois que c'est sur Internet que vous pouvez le regarder ou sur le poste Bold qui est sur la télé. Télé satellite, là, la télé numérique, ça qui va être en direct. Donc, manquez pas ça, ça va être un très bel événement. On va souhaiter bonne chance à l'Impact parce que, personnellement, je connais absolument rien. Parce qu'ils en ont besoin. Ouais, ben, je connais absolument rien du Santos Laguna, donc, je peux pas vous dire. Je pense que comme 99% des gens qui vont être là ce soir ne connaissent absolument rien au Santos Laguna, on s'entend, on n'est pas des fans de soccer, on est des fans d'Impact. C'est ça la différence à Montréal. Hey, on s'en va en musique avec la chanson Construction du groupe Band de Garage. Bonne petite chanson qui est au palmarès cette semaine sur les ondes de C'est fou. Vous écoutez L'Inconduite de partie. Yeah. Un chandail ici là, que je peux plus sentir, qui m'écœure. Le numéro 13, là, décroche-moi ça tout de suite. Personne s'en sert à soir. Le conduit de partie. Et c'était Ben de Garage avec la chanson Construction. Et Jacques Mercier. Et Jacques Mercier avec la chanson Nounou. Puis Alec, qu'est-ce qui s'est passé en Junior cette semaine? Hey, attends une minute, avant que tu commences. Hey, j'allais justement t'en parler. Tournoi Pee-Wee de Québec. Tournoi Pee-Wee de Québec. On se trouve. On va y aller avec ta prédiction. Tu te rappelles pour qui tu Ouais, je le sais, je sais, je l'ai pas eu. J'ai non, vu. Mais juste pour te dire, j'ai fait les vérifications. Ouais. Détroit Nébec ne se sont pas classés cette année pour venir au Tournoi Pee-Wee. Donc, ton choix est assez judicieux, je te dirais. Ben écoute, je suis un gars qui expérimente dans la vie. Je pense que je fais des. Je suis un gars qui va avec le risque. Ouais, donc, c'est ça. Donc, ta prédiction était totalement fausse. Ouais, ben donc, elle ne participait même pas au tournoi. Cette année, c'est les Blues de Saint-Louis qui ont remporté, une équipe qui, d'habitude, ne va guère loin dans le tournoi. Mais cette année, on était dirigé par All Mechanist. Hey, je m'en allais pitcher une joke sur All Mechanist, mais là, tu me... Oh ouais, c'était All qui était là. C'était All Mechanist. Donc, grosse victoire des Blues de Saint-Louis. Petite mention, encore une fois, là, les Remparts de Québec, les petits Remparts, une petite équipe de Québec, justement, qui représentait les Remparts, se sont rendus en demi-finale du tournoi. Ils ont remporté le tournoi de la classe 2A Bolduc. Donc, ils ont vraiment remporté leur poule, si on veut. Ouais. Sauf qu'en demi-finale, malheureusement, ils se sont inclinés contre York Simcoe, qui est une équipe de Toronto, je crois, près de Toronto, de l'Ontario. Tu m'avais pas dit qu'il n'y avait pas d'équipe de Toronto? Pas de Toronto, mais dans l'Ontario. C'est vraiment genre l'association d'hockey mineur de Toronto. Ça doit être une équipe d'Ottawa, peut-être. Là, non, York, c'est dans le coin de Toronto. C'est ça que je me demandais, là, mais ça se peut que ce soit... C'est gros, là, Toronto. Fait que victoire des Blues de Saint-Louis et de Hall Mechanist. Donc, 50e tournoi international d'hockey Pee-Wee au Québec est déjà terminé. On s'en va au 51e pour l'année prochaine. C'était-tu Gino Cavanini puis Vincent Riendo, ses adjoints? Non, tu sais pas. Non, pas tout. C'était un autre joueur reconnu, je me rappelle plus son nom, par exemple, mais il avait déjà joué aussi, lui aussi, dans la Ligue nationale. Ah, ben, donc, ben, il avait ben. Un assistant quand même aussi bon que lui, si on peut dire. Je vais plugger notre Paul Eiserbert ou Rob Zezel. Donc, c'est des bons choix. Je reviens avec ça la semaine prochaine. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en hockey junior? On va parler maintenant de hockey junior, bien sûr. Tout d'abord, on va parler des matchs qu'on a eus la semaine dernière dans les équipes de la région. Donc, tout d'abord, les Cataractes avaient une grosse semaine puisqu'ils se rendaient dans les Maritimes avec 4 matchs en 6 soirs. Tout d'abord, on en a parlé la semaine dernière, ils avaient vécu le Titan d'Acadie Batters par la marque de 4-2. Ensuite, jeudi, ils avaient un match très important alors qu'ils affrontaient une des 5 meilleures formations de la Ligue, les Screaming Eagles du Cap-Breton, et ils ne l'ont vraiment pas eu facile. En première période, Maxime Massenauer a déjoué 2 fois le gardien des Screaming Eagles, Olivier Roy, pour porter la marque à 2-0. Mais les Screaming Eagles ont montré beaucoup de caractère alors qu'ils ont réussi à remonter un déficit en inscrivant 3 buts sans riposte. Finalement, Dave Labrec a sauvé les meubles en 3e période pour créer l'égalité, pour amener le match en prolongation. Et c'est avec un but en avantage numérique de Mathieu Pistilli que les Cataractes se sont sauvés avec la victoire. Résultat final, 4-3 pour Shawinigan. Donc, une grosse victoire là pour les Cataractes dans ce match. Un petit peu chanceuse. C'est un petit peu chanceuse, ouais. Mais écoute, ça en prend des comme ça. Ouais, ouais, ouais. Les meilleures équipes ont de la chance. Samedi, ils se rendaient au Halifax Metro Center pour affronter les Moussets d'Halifax, qui se battent en ce moment pour une place en série. Et les Cataractes ne leur ont pas laissé beaucoup de chance alors qu'ils les ont démolis par la marque de 7-3. L'entraîneur des Cats avait fait confiance à son 2e gardien, Gabriel Girard, qui n'a pas été très occupé, lui qui a reçu un total de 22 tirs. Le gardien des Mooseheads, Mark Yetman, a pour sa part été beaucoup plus occupé, alors qu'il a fait face à 49 lancés. La première étoile du match a été Cédric Lalonde-McNichol, qui a inscrit 2 buts, et Mathieu Pistilli a pour sa part obtenu 3 points. Il devait sentir le rubber pas mal à la fin de la... À la fin de la partie. Ah, oh, c'était l'enfer. Les Cats ont encore démontré pourquoi ils étaient les premiers de la Ligue dans les unités spéciales, alors qu'ils ont récolté 3 buts en avantage numérique sur une possibilité de 5, ce qui est encore une fois excellent. À noter, mon Nick, qu'il y avait 6433 spectateurs qui ont assisté au match au Halifax Metro Center. Donc, juste pour faire une petite mention là pour la ville d'Halifax, qui connaissent toujours de bonnes assistances. Cette année, là, on est la dernière équipe de la Ligue. On se bat pour une place en série. Puis, on réussit à avoir amené du monde à l'aréna à tous les matchs, des 6000 personnes par match. Donc, vraiment, là, la ville d'Halifax, là, un gros bravo de soutenir votre équipe, même dans les durs moments comme ça. Sérieusement, là, c'est vraiment exceptionnel là, de la ville d'Halifax, là, de soutenir, c'est ça, de soutenir tout le temps leur équipe malgré là, les déboires des fois depuis que les Moussettes sont arrivés dans la ligue. De toute façon, ça a tout à été une histoire d'amour là. Je pense qu'il y a tout à eu des bonnes foules au Metro Center, qui est un sodine de belle arena là, si on peut dire. C'est là, une grosse ville de hockey, je veux dire. Puis le monde aime ça aller jouer là-bas, je veux dire. Il y a beaucoup d'ambiance, tu t'arrives pas là dans une petite arena de 1500 personnes. Puis bon, exemple à Val-d'Or ou à Bécomo, à Candy Batters, 1500 personnes dans l'aréna, tu te sens quasiment dans une ligue collégiale. Puis ça, on regarde Halifax, t'arrives là, 6000 personnes qui encouragent leur équipe. C'est un happening à toutes les semaines d'aller encourager les Mooseheads. Donc, sérieussement, Même il y a des parties qu'ils réussissent à remplir le Metro Center. Oh, 10 000 personnes. Là. Donc, On va espérer qu'ils fassent les séries, qu'ils continuent à augmenter les assistances. On leur souhaite. Parce que pour l'instant, ça augure pas bien là, pour eux autres. Finalement, le lendemain, les Cats se rendaient à Moncton pour affronter les Wildcats. C'est un affrontement très entendu entre les deux équipes, puisque ces deux équipes se battent pour le premier rang et aussi, bien sûr, pour l'obtention de l'avantage de la glace pour les dernières rondes des séries. C'est sûr que ça sera pas pour les premières. Les premières, on est assurés de commencer chez nous. Mais, exemple, pour les troisième, quatrième rondes, c'est là que l'avantage de la glace va se décider. Donc, les Wildcats ont commencé le match en force alors qu'ils ont inscrit 2 buts en première période. C'est Matt Eagles qui a marqué ses 2 buts. Ce n'est qu'en 3e période que les Cataractes ont inscrit leur 1er but avec 1 but en désavantage numérique de Tommy Tremblay. Les Wildcats ont repris leur avance de 2 buts sur 1 but en avantage numérique de Simon Jourdouin. Les Cataractes n'allaient pas se laisser faire alors qu'ils ont encore une fois réduit l'écart à 1 but. C'est un autre but en avantage numérique, mais malheureusement, les Cats n'ont pu capitaliser et ils n'ont pu créer l'égalité vers une défaite de 3-2 devant les Wildcats de Moncton. C'est sûr qu'ils peuvent pas toutes les gagner. C'était quand même leur 4e match en 6 soirs à l'étranger. Donc, c'est pas toujours facile là, dans ce temps-là de toujours être à 100% là, pour des matchs comme ça. Mais quand même, les Cataractes terminent leur voyage dans les Maritimes avec 3 victoires en 4 matchs, ce qui est excellent. Après ce voyage, les Cataractes sont encore au 2e rang du classement général, 2 points derrière les Voltigeurs de Drummondville, avec le même nombre de matchs de jouer. Et les Wildcats de Moncton ne sont pas très loin, 2 points derrière avec 1 match en main. Mais par chance, les Cataractes ont quand même plus de victoires qu'eux. Donc, ça, on terminerait à égalité à la fin de l'année. Les Cataractes auraient quand même là, l'avantage de la glace. Il y a une égalité. Donc, comme je l'ai dit, ça va vraiment se décider dans le dernier droit de la saison. Cette semaine, les Cats devront se rendre à Chicoutimi jeudi pour affronter Richard Martel et ses Saguenayens, avant de revenir à Shawinigan vendredi pour un affrontement très attendu contre les Remparts de Québec. On s'attend vraiment à une grosse foule. Là, ça va être plein, carrément, Shawinigan, pour ce match-là. On a beaucoup de monde aussi de Québec qui monte, là, des voyages organisés. Donc, je m'attends à un gros match. Ça va brasser. Ça va brasser. Ça va brasser. Du gros calibre. Ben oui. On va parler maintenant des Voltigeurs, parce qu'ils se rendaient en Abitibi la semaine dernière. Tout d'abord, jeudi, ils étaient à Val-d'Or pour affronter les Foreurs, qui tentent tant bien que mal de se tailler une place en série. Et les Voltigeurs se sont fait littéralement voler le match par leur gardien des Foreurs, Raphaël Dorceau, lui qui a réalisé un total de, tiens-toi bien mon Nick, 48 arrêts. Je me tiens pas, je le savais. Les Foreurs se sont donc sauvés avec une victoire de 2-1 sur les Voltigeurs. Le seul but des Volts a été marqué par la sensation russe Dimitri Kulikov. Les Voltigeurs avaient la chance de se reprendre le lendemain alors qu'ils affrontaient les Huskies de Rouyn-Noranda. C'est le premier marqueur de la Ligue, Yannick Rindeau, qui s'en est personnellement occupé. Lui qui a joué tout un match avec une récolte de 4 buts et une passe. Il a donc atteint dans ce match le cap des 50 buts et il a fracassé un record de concession alors qu'il en était à son 15e but gagnant de la saison. Une marque qui était détenue par René Corbet En 1992, wow, 93. Ah, les souvenirs qui viennent de m'arriver de René Corbet, là. Wow, pour l'Avalanche du Colorado. Ah non, mais bon René voir. Corbet, c'est parce que, étant ma scoutée de Romanville, René Corbet, je pense qu'il est de la région de Saint-Diazan. En tout cas, c'était un gros nom. On s'attendait à une grosse carrière à l'époque, mais. Ouais, ben, déjà joué pour les Nordiques, des Québécois. Oui, il a joué pour les Nordiques. OK, j'ai l'Avalanche, puis Pittsburgh, ouais, l'Avalanche. Tout ça. Donc, c'est ça. Donc, le match s'était finalement terminé par la marque de 6-3 pour les Voltigeurs. Dans cette partie, on a eu droit à un lancer de pénalité, alors que Sergei Ostatchuk des Huskies a réussi à déjouer Antoine Tardif. Puis, dimanche, les Voltigeurs avaient un très gros affrontement, alors qu'ils devaient se confronter à l'Océanique de Rimouski, qui avait une séquence de 13 victoires de suite. Les Voltigeurs ont commencé le match en force, inscrivant 3 buts sans riposte pour prendre les devants 3-0. Début de Marc-Antoine Desnoyers, Mike Hoffman et Yannick Rindeau. L'Océanique a répliqué avec un but avant de voir les Voltigeurs reprendre leur avance de 3 buts sur un but à l'avantage numérique de Patrick Brokop. Mais la deuxième période a pris une toute autre tournure alors que la machine de l'Océanique s'est mise en marche. Ils ont inscrit 4 buts sans riposte pour prendre les devants 5-4 après la deuxième période. Finalement, on s'est dirigé jusqu'en fusillade. Et c'est l'Océanique qui l'a remporté, là, une victoire de 6-5 en fusillade. Début de Philippe Cornette et de Kevin Veilleux face au gardien des Voltigeurs. Donc, victoire de 6-5 de l'Océanique. L'Océanique continue donc leur belle séquence de victoires avec une 14e de suite. Quant aux Voltigeurs, ils ont donc amassé 3 points sur une possibilité de 6, ce qui les rapproche des Cataractes et du deuxième rang, histoire de mettre un peu de suspense là, d'ici la fin de la saison dans la LHJMQ. Les Voltigeurs entreprendront une grosse semaine. Une grosse fin de semaine, jeudi à Victoriaville pour affronter les Tigres. Vendredi, ils se rendront à l'auditorium de Verdun pour affronter le Junior de Montréal avant de revenir à Drummondville samedi, eux qui recevront les Wildcats de Moncton, qui ont d'ailleurs battu là, les Cataractes la semaine dernière. Quant aux Tigres, ils n'ont pas connu une grosse semaine, il y avait seulement un match, une défaite face aux Maniacs de Lewiston, qui sont pas un gros club en ce moment. Faut dire que les Tigres ont plus rien à gagner en ce moment, alors qu'ils savent déjà qui vont affronter en première ronde des séries. Soit les Cataractes, soit les Voltigeurs. Donc, on se bat même plus là pour aucun rang. On n'essaye plus. Donc, c'est ça. Donc, les Tigres, là, sont cette semaine, les Tigres ont de gros clubs à affronter en plus de ça. Ils recevront les Voltigeurs jeudi avant de recevoir les Wildcats vendredi. Ils prendront soin de la route de Rouyn-Noranda dimanche pour y affronter les Huskies. Donc, on n'est pas là pendant 2 semaines, Nick. J'ai vérifié un peu là, qu'est-ce qui va se passer dans ces 2 semaines-là, les gros matchs à surveiller pendant la semaine de relâche et cette semaine. Donc, premièrement, 2 gros affrontements entre les Cataractes et les Remparts. Les Remparts, en passant, qui ont assurément terminé premier de leur division. Ça s'est concrétisé cette fin de semaine. Donc, ce vendredi, les Remparts seront à Shawinigan et les Cataractes seront au Cas des Pepsi le vendredi 6 à Québec. Vendredi prochain. Samedi, on va avoir un gros match entre les Voltigeurs et les Wildcats. Dimanche, les Wildcats seront à Shawinigan pour affronter les Cataractes. Ensuite de ça, on regarde aussi le Drakkar et les Foreurs de Val-d'Or qui s'affronteront 2 fois cette fin de semaine. Ces 2 équipes se battent en ce moment pour une place en série. Donc, ça va être très intéressant là, de vérifier ces 2 matchs-là. Ça pourrait se décider là, dans ces matchs-là là, pour qui va réussir à se casser, tailler une place en série. Et on surveille aussi des matchs mercredi prochain. L'Océanique qui sera à Québec pour affronter les Remparts. Et dimanche, le 8, la journée de ma fête, les Voltigeurs de Drummondville seront à Rimouski pour affronter l'Océanique. Tu veux te faire offrir des cadeaux, hein, on dirait. Hey, ben merci beaucoup, Pierre-Luc. Ça m'a fait plaisir. On passe à une pause. Au retour, hockey des Patriotes, entrevue, prévision du match de ce soir. C'est à ne pas manquer. On se voit dans 2 petites minutes. C'est tout.ca, c'est un portail d'information sur votre radio. Les actualités télévisuelles et les spectacles à voir absolument. C'est tout.ca, c'est le palmarès, c'est des concours, forums. C'est tout.ca, c'est le site de radio universitaire où vous visitez de la francophonie. Vous les attendiez. Ils sont de retour pour la 5e année. Ils vont vous en mettre plein les yeux. Le 26 février prochain, sur les planches du théâtre du Cégep de Trois-Rivières,

Donc, c'était Jésus. Jésus bench 400 livres avec la chanson L'Index, qui est un remix de Bio Bazar. Il est présentement 10h40, bientôt 41. Vous êtes avec Giroux et Ducharme derrière le micro. Vous savez, pour nous joindre en tout temps, l'inconduitedepartie.com. Donc, la saison des Patriotes s'est terminée il y a maintenant 2 semaines. Les séries qui commencent ce soir au Colisée de Trois-Rivières, alors que les Ravens de Carlton vont être à Trois-Rivières. Ouais, je pense que je peux pas dire mieux. Vont être les adversaires des Patriotes. Ça va être très important. C'est une série 2-3. La première partie est ce soir. Je me suis entretenu avec nul autre que Serge Lemeng. C'est vraiment la référence qui fait ça depuis 36 ans, qui est en journalisme et qui est normalement au Journal de Montréal, mais par contre, à cause du lock-out imposé par Pierre-Carl Péladeau, est présentement au ruefrontenac.com. Donc, je me suis entretenu avec lui. Et surtout, ça, on peut dire... Notre meilleure analyse de mini-pot au monde. Ah, c'est bon. On reviendra pas là-dessus. Donc, on va aller écouter ce qu'il va nous dire vraiment là-dessus. Là, j'ai réalisé une entrevue hier au téléphone avec lui. Donc, on est présentement au téléphone avec M. Serge Lemeng, la référence tout ce qui est sport universitaire au Québec, qui est présentement chez ruefrontenac.com. Donc, M. Lemeng, pour le début des séries, on a vu que Concordia est éliminé la semaine dernière contre Carlton. Ils vont maintenant affronter les Patriotes ici même à Trois-Rivières ce mercredi. Comme ça, qu'est-ce qu'on pense un peu de la fin de saison des Patriotes, qui a été un petit peu plus difficile, une petite débandade à la fin de l'année? Oui, mais il y a eu un élément. Là. Le championnat est gagné depuis plusieurs semaines. Mm-hmm. Veux pas, quelque part dans ta tête, tu veux pas souffrir pour rien. Les matchs ne veulent rien dire. Tu veux pas être blessé pour les séries éliminatoires. Ils ont joué avec des blessés. Gravel a manqué quelques matchs en fin de saison. Mm-hmm. Alors moi, je ne tiens pas beaucoup d'importance à la fin de la saison régulière des Patriotes. Je pense qu'ils ont des éléments pour. Ils ont d'excellents gardiens de but, une bonne brigade défensive. Ils ont des éléments d'attaque intéressants. C'était le point d'interrogation en début de saison. Et je pense qu'ils ont maintenant deux bonnes lignes d'attaque sur le plan offensif. Du côté de Carlton, ils ont éliminé les Stingers de Concordia. Mais pauvres Stingers. À chaque année, ils manquent le bateau. Carlton, attention, là, c'est pas une mauvaise équipe de hockey, par exemple. C'est une nouvelle, c'est un nouveau programme aussi. Ouais, Carlton. C'est relatif. Là. Je vais mettre le. Oui, c'est un nouveau programme dans les faits. Oui, c'est leur deuxième saison dans le monde du hockey universitaire. Mais regarde l'alignement de ces gars-là. Ce sont presque tous des gars qui sortent des rats de la Ligue junior majeure de l'Ontario. Oui, exactement. Alors, c'est pas des mauvais joueurs de hockey. Ça va être très intéressant. Moi, je m'attends à une victoire des Patriotes, mais en 3. En 3. Ouais. Ça va se finir dimanche prochain, à votre avis. Ça devrait se finir dimanche prochain. C'est bon. Je voulais aussi savoir, comme on dit, Carlton de Trois-Rivières, l'autre série, McGill va affronter McGill qui a éliminé Ottawa, les GGs. Est-ce qu'on est surpris des résultats ou personnellement, je pense qu'avec la fin de saison que McGill a eu, sont vraiment sur une lancée, ils ont le momentum, le vent dans le dos, comme on dit. Mais en tout cas, moi, ça fait plusieurs matchs là, que j'étais au troisième match de la série contre Ottawa. Les Ravens de McGill sont dirigés par un entraîneur qu'on a sous-estimé, qu'on continue de sous-estimer. C'est un des meilleurs entraîneurs que j'ai vu. Moi, je classe Martin Raymond dans la catégorie des Jacques Laporte et des Clément Jaudouin. Martin Raymond réussit année après année les Redmen jouent toujours d'une façon agressive, intensive. Ils ont 14 nouveaux joueurs cette année. Et là, tu les revois, puis moi, je les vois en finale. Je vois pas comment Toronto va pouvoir éliminer les Redmen. Les Redmen ont fait preuve d'une force de caractère incroyable là, dans cette série contre Ottawa. Ils ont joué dès le départ, Yann Turcotte, un défenseur, a frappé un rival par derrière, a occupé d'une suspension de 2 matchs. Le deuxième match à Ottawa, Eric Stealing, un autre défenseur, après le match, a quitté l'équipe, il a pris l'avion parce que lui, en fin de semaine dernière, n'avait pas le choix, avait à passer une entrevue à l'Université de Calgary pour entrer en médecine. C'est là qu'on voit que l'université, ça passe avant le sport. Mais voilà. Les études. Et moi, je jasais avec Martin Raymond quelques heures avant le match dans son bureau, puis Martin dit, garde. C'est ça, là, la réalité du hockey universitaire. C'est les études d'abord. Parce que là, il a dit à ses joueurs, hey, on va composer avec ça. Donc, il s'est présenté à McGill dimanche pour la troisième et ultime marche de série 2-3 avec deux de ses quatre meilleurs défenseurs en dehors de l'alignement. Ils ont gagné 2-1. Oui, c'est ça, une partie très défensive. Là, et Kevin Desfossé, le gardien, le nouveau gardien des Redmen, là, Kevin qui est arrivé au fait, je pense, l'ancien gardien des Remparts de Québec. Ouais. Là, il se replace. Il est solide devant le filet. Alors, c'est de, moi, je pense et j'espère, de voir une autre finale Trois-Rivières-McGill. Ouais. Je vous rappellerai que McGill a représenté le Québec lors de deux des trois dernières années. Ils sont les champions en titre de l'association S. Ils étaient au championnat canadien l'an dernier. Fait que, non, c'est à peu près ce qui se passe actuellement là, sur la scène du hockey universitaire québécois. C'est ce que je m'en ai dit, là. Trois-Rivières, ici, notre bête noire dans les dernières années, c'est un peu McGill, là. On s'est fait sortir, mais comme vous dites, contre Toronto, McGill, même si c'est Toronto qui a la passe droite, si on peut dire, on a vu selon les classements, puis selon la façon qu'ils jouent, que dans le fond, dans la division ouest de l'Est, là, dans le fond, de l'Ontario, c'est vraiment... le calibre est moins fort qu'au Québec et Ottawa, Carlton, on s'entend, là, mais dans la division Far East, qu'on appelle chez l'Ontario. Ben oui, on a vu le classement à Toronto. Toronto est dans les séries éliminatoires par cause du principe que participe aux séries éliminatoires depuis quelques années dans les deux conférences. Alors, prenons une conférence, la conférence de l'Est. Il y a deux divisions. Et les champions de chacune des divisions en saison régulière, eux, ont laissé passer pour la première ronde des séries éliminatoires. Là, on prend les quatre meilleurs dossiers dans les deux divisions. Ça fait six équipes. Et pourquoi Toronto aurait l'avantage de la surface de jeu dans cette série? Parce qu'ils sont champions de division. Ouais, alors vrai. McGill, même s'il y a plus de points au classement que Toronto, McGill termine derrière Toronto dans ce principe-là. Et pour ajouter à la difficulté pour les Redmen, ben là, ils vont retrouver leurs deux défenseurs, là, c'est que le premier match a lieu mercredi à Montréal, les Redmen, à McGill. Mais les deux matchs suivants, à cause de la grande distance entre les deux villes, le règlement dit on joue le premier match dans l'équipe qui a fini le plus beau classement pour terminer les deux matchs dans la ville de l'équipe qui a fini la plus haute au classement. Donc là, c'est Toronto. Alors, le premier match aura lieu ici, mais au lieu de l'alternance, un peu comme Trois-Rivières et Carlton vont faire, ils vont alterner, ils vont se déplacer. Les deuxièmes matchs auront lieu à Toronto, dans le cas des Redmen. Et si un troisième match est nécessaire, il aura également lieu à Toronto. Au moins, les joueurs vont être reposés pour avoir besoin de faire trop de déplacements au niveau de l'autobus. On va vivre à l'hôtel, comme on dit. Ouais. Donc, vos prédictions, McGill, UQTR en finale, qui sort de là, d'après vous? Oh boy, bonne question. Oh. Bonne question, mais moi, je pense que les Patriotes ont les éléments. Si tout le monde veut jouer, pousser dans la même direction, les Patriotes ont les éléments cette année pour s'en aller au championnat canadien. D'accord. Question totalement hors sujet, mais qui touche quand même tout ce qui est hockey universitaire. Qu'est-ce qu'on pense de le retour, si on peut dire, de la Ligue collégiale 3A au Québec? Grosse perte de temps. Ah oui? Ouais. Oh, ça, c'est un son différent de ce qu'on a entendu dans les médias de la semaine dernière, dans le fond. Attends une minute, d'un son que tu as entendu dans tous les médias, sauf à rufrontac.com, parce que j'ai écrit un commentaire là-dessus. Ah, je l'ai manqué, ça, désolé. Ouais, c'est ça. La prochaine fois, tu liras rufrontac.com. Non, moi, je trouve que c'est une royale perte de temps, d'énergie, et je ne comprends pas comment ça se fait que nos grands penseurs québécois en hockey se sont pas penchés sur cette situation-là. Pourquoi, encore une fois, aller avec un affrontement? Là, tu divises la tarte en trois. Ligue junior majeure du Québec, Ligue junior 3A, puis Ligue collégiale 3A. C'est complètement ridicule. Pourquoi ne se penche-t-on pas sur un projet qu'avait émis à l'époque, il y a plus de 20 ans, Clément Jaudouin, l'ancien coach des Patriotes, qui est actuellement l'entraîneur de l'Océanique de Rimouski, qui avait dit, pourquoi qu'on ne crée pas un réseau collégial universitaire au Québec. En ce sens que, prenons l'exemple de Trois-Rivières, le gars rentre au cégep de Trois-Rivières, mais il peut jouer pour les Patriotes. Le gars rentre au cégep première année, 17 ans, là. OK, oui. Un peu comme on voit aux États-Unis, là, dans le fond. Là, il rentre au cégep, mais il joue pour les Patriotes de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Maintenant, nous avons la chance au Québec de vivre deux mondes. T'as aussi les gars du junior majeur. 17, 18, 19 ans, le gars, il est pour pêcher. Au lieu de jouer 20 ans junior majeur pour 500$ par semaine, il s'en vient tout de suite commencer son hockey universitaire. Il commence à 20 ans, il va finir à 23 ans. Donc, tu regroupes des jeunes de 17 ans, 18 ans, avec des, de 19 avec des jeunes de 20 jusqu'à 23 ans. Tu as exactement le même groupe d'âge que dans la NCAA, 17-23 ans. Exactement le même groupe d'âge. Oui, au début, il y a une rivalité. Bon, est-ce que le gars va choisir de jouer dans un réseau collégial, un réseau universitaire à 17 ans, entre ça et le junior majeur? Mais il n'y en a pas beaucoup au départ qui vont choisir cette voie-là. C'est peut-être une solution de transition. On veut avoir le hockey dans les écoles entièrement un jour ou l'autre. Mais peut-être que ce serait une solution actuellement de créer ce genre de réseau-là. Là, tu aurais plus d'universités québécoises qui embarqueraient parce que avec la présence d'athlètes de 18-19 ans, là, tu attires les dépisteurs de la Ligue nationale de hockey davantage à tes matchs. Donc, retombée intéressante pour les gars du junior majeur qui s'en viennent jouer 20 ans, 21, 22, ils se font revoir par les dépisteurs de la Ligue nationale. Ils ont encore quelques années de développement, tout comme dans la NCAA. Oui, totalement. Alors, arrêtons de tourner en rond au Québec. Comment ça se fait qu'on a des morons à la tête de nos organismes de hockey comme ça? Réfléchissez, les boys. Créez quelque chose. Soyez imaginatifs, patèche. C'est pas nouveau, le hockey Québec. Comme on dit, ça tourne en rond, là, puis c'est jamais des... Quand on parle de faire des changements, mais quand c'est temps d'en faire, il n'y en a pas qui... Québec, et que dire de la Fédération du sport étudiant du Québec? Ces gars-là sont toujours en meeting. Meeting de quoi? Ils décident de rien. Il n'y a jamais rien qui bouge au Québec. On est un peuple de morons. Bonsoir. C'est dit très solidement. Monsieur Vlemang, c'est toujours, toujours un plaisir de vous parler. Je vous remercie beaucoup. Salut, mon gars. Salut, là. Donc, des mots très durs de la part de Serge Blémens envers la nouvelle ligue collégiale de hockey. Marrant. Puis écoute, il y a un fond de vérité dans ce qu'il a dit. C'est sûr. Donc, je me suis aussi rendu à l'arena, aller interviewer Jacques Laporte pour la partie de ce soir, savoir ce qu'il en pense, savoir comment on va se préparer. On va écouter ce qu'il va nous dire là-dessus. Donc, on est présentement avec M. Jacques Laporte, entraîneur des Patriotes Hockey. Sur la porte, on se mentira pas, une fin de saison un petit peu décevante là, dans le fond. Je pense pas qu'on s'attendait tout à fait à ça. 4 défaites dans les 5 derniers matchs. On a sûrement fait une autopsie de la fin de saison. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est évident qu'on avait eu une première bonne moitié de saison. Et puis par la suite, dès qu'on a mis le championnat en poche, c'était un petit peu plus difficile pour les joueurs de se motiver. Et c'est arrivé au même moment où on a eu des blessés, ce qui était une première pour nous, d'avoir 3 blessés de premier plan. Avec nous. Donc, ça a donné un alignement un petit peu différent. Puis, veut pas, ça a restitué des rôles que les joueurs n'étaient pas habitués de jouer. Et ça nous a amené des difficultés. Et au même moment, il faut dire aussi qu'on jouait contre des équipes qui bataillaient pour se tailler une place dans les séries éliminatoires et qui étaient motivées au plus haut point. Donc, tous ces facteurs-là ensemble font en sorte que ça a été douloureux pour nous. Mais si on regarde l'allure des entraînements là, depuis la semaine passée, je pense que les joueurs ont vraiment pris conscience de l'importance des séries. Ils veulent, la motivation est là, l'intensité était là également. Il reste le résultat à essayer d'avoir pour demain. Donc, comme on vient de dire, on rentre en série, on veut un peu de momentum. Ça fait 10 jours qu'on est arrêté, qu'on n'a pas joué. Comment on prépare les troupes, là? Comment on prépare surtout les blessés, ceux qui viennent de revenir pour le début des séries? Il y a eu suffisamment d'entraînement là, pour que chacun connaisse bien le rôle qu'il avait à jouer. Notre système de jeu a été revisé aussi. On s'est assuré que la première partie, la première période, on s'est assuré de limiter les dégâts dans le sens d'essayer de retrouver notre synchronisme à ce moment-là, de prendre un rythme pour pas partir en peur, pas essayer de tout faire dans les premiers moments du match, mais s'assurer que vraiment tout le monde s'unifie là, dès les premiers instants pour faire en sorte que, au fur et à mesure que le match se faire, qu'on puisse prendre une vitesse de croisière qui est la nôtre et puis retrouver un rythme qui nous ressemble, là, qui est le même depuis le début de la saison. Donc là, on affronte les Ravens de Carlton qui ont battu Concordia. Qu'est-ce qu'on s'attend? Qu'est-ce qu'on a comme plan de match un peu contre Carlton? On les connaît bien là, quand même, on les a affrontés souvent cette année. Donc, qu'est-ce qu'on prévoit comme équipe de l'autre côté? Surtout pas se fier au dernier match qu'ils ont joué ici, alors qu'ils avaient battu 10-1, mais il faut bien se rendre compte qu'ils venaient la veille de battre Concordia et s'assurer une place dans les séries éliminatoires, ce qui pour eux, là, pour une équipe de deuxième saison, est quand même assez extraordinaire. Et donc, on va se fier plus au match qu'on a joué contre eux en début de saison, avant les fêtes, 3 matchs. Et surtout, de la façon dont ils ont joué contre Concordia, ils ont été chercher un rip où c'était une série extrêmement physique, à part du dernier match, mais les deux premiers ont été extrêmement physiques. C'est une équipe qui, sans compter sur de gros talents, mise énormément sur le jeu d'ensemble, mise énormément sur le jeu collectif. Donc, ils travaillent bien ensemble. Ils font des petites choses qui fonctionnent grandement. Et c'est pas personne qui traîne l'équipe sur son dos. Donc, il faudra se méfier à l'égard de leur travail acharné, de leur jeu physique, de pas embarquer là-dedans pour se laisser déconcentrer non plus parce qu'ils sont capables de nous distraire à ce niveau-là. Donc, tous ces éléments-là font en sorte que nous, on devra d'abord également se concentrer sur nos forces en début de partie pour s'assurer d'aller chercher la victoire. Puis là, fin de saison, Michael Dupont, Jean-Christophe Blanchard ont quand même vu le filet assez souvent. Lequel des deux va avoir le départ demain soir? On vient justement les rencontrer pour donner le filet à Jean-Christophe Blanchard. On sait que nos deux gardiens de but sont de qualité, sont prêts pour les séries éliminatoires. C'est une question vraiment de feeling, là, de savoir est-ce qu'un va être meilleur que l'autre. Je pense que les deux peuvent faire le travail. Décidé d'y aller avec Blanchard, qui était régulier quand même dans toute la saison. Les deux ont aussi, à l'image de l'équipe, eu quelques difficultés ces derniers matchs, mais on espère que tout ça va rentrer dans l'ordre et qu'on va pouvoir, au moins pour le match demain, aller avec Jean-Christophe et qu'il connaisse du succès. Il n'est pas exclu que Michael Dupont voit de l'action également, soit dans cette série-là ou soit dans d'autres. Merci beaucoup, M. Laporte. Bonne chance pour mercredi soir. Donc, c'était Jacques Laporte qui nous a livré ses commentaires. Ça va être une série vraiment à ne pas manquer, qui commence ce soir, comme j'ai dit, au Colisée à Trois-Rivières. Je pense que les troupes sont prêtes de la part de Trois, des Pats, là. Ils veulent. On va juste espérer, comme ça, je l'ai bien que ça dit, que ça va tout le monde pousser dans le même sens. Mais le retour des blessés, tout ça, j'ai l'impression que ça va se finir. Si vous voulez se dit en trois, moi, j'ai plus l'impression que ça va se finir en deux, en moins d'une... En quatre! Une badlock. En quatre. T'aimes trop, ça. Donc, le premier match, comme j'ai dit, ce soir, 25 février, 19h, au Colisée de Trois-Rivières. Vendredi, 27 février, à 19h, ça va se dérouler à l'Université Carleton. Et si c'est nécessaire, dimanche 1er mars, 20h, ici même au Colisée de Trois-Rivières. Donc, ça serait la troisième partie, si jamais les Patriotes sont défaits. Aussi chez les Patriotes cette semaine au soccer intérieur, Université Laval, les Pats vont jouer contre l'Université Laval à Québec. Donc c'est vendredi 18h et 20h selon les hommes et les femmes, c'est les femmes qui sont à 18h. Puis aussi, écoute, je plug ben vite, hockey, St. P versus the World au centre d'entraînement du Canadien Bell ce samedi 11h du soir, c'est une petite partie bien... Non, pas amicale, ça va être dangereux. Mais bon, entre les gens... entre mon équipe et l'équipe de Benoît Duff et de Miss Duff, les gens qui sont concernés se reconnaissent. Alors, on vous remercie beaucoup d'avoir été là cette semaine. On n'est pas là la semaine prochaine. Il n'y a pas d'inconduite de partie parce qu'on est en relâche puis on va profiter de nos vacances pour travailler. Donc, ou pour aller dans le sud comme mon ami Pierre-Luc oui, ici. Oui, dans le sud à Cuba. Arrête. Donc, merci beaucoup d'avoir été là cette semaine. On se laisse en musique avec les trois accords, la chanson Lucille. La chanson Lucille, désolé. Merci beaucoup d'avoir été là. Bonne semaine tout le monde. À dans deux semaines. La fille plus belle que toi n'est pas ici à soir. La fille plus belle que toi, je ne l'ai jamais rencontrée. Yeah.